And now imagine that you've just got into a taxi. You need to tell the driver where to go. Par exemple, Hôtel des Vosges, s'il vous plaît. Listen to some other examples and repeat. Rue de Bussy, s'il vous plaît. Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. Of course, you may want to go à la gare du Nord. To the Gare du Nord. So, la gare du Nord, s'il vous plaît. Or to the airport. À l'aéroport. So, l'aéroport, s'il vous plaît. And now, c'est à vous. Over to you. C'est à vous. Par exemple, when you hear the prompt, Hôtel des Anglais, you say, vous dites, you say, Hôtel des Anglais, s'il vous plaît, in the pause. You'll then hear the French again, followed by another pause for you to repeat it. And as usual, try to copy the accent and intonation. Je commence? Oui, vous commencez. Hôtel des Anglais. Hôtel des Anglais, s'il vous plaît. L'aéroport. L'aéroport, s'il vous plaît. La gare du Nord. La gare du Nord, s'il vous plaît. La rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo, s'il vous plaît.